on n'est quand même pas venu pour beurrer les sandwichs. Et quoi, vous êtes prêts les gars? Bah bien sûr ma gueule, on est prêts. Yo, Dr Quest, tu restes un peu avec nous ou quoi? Bien sûr. Nickel. C'est parti. Envoie la sauce tortelli. Tortoli et Arbatax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Ave hey, tout le monde. Yo, ici Tortoli et Arbatax en direct des studios de Radio Panique, BXL City, 17h, 18h tous les mardis, une heure de bon son, c'est ici que ça se passe. Arbatax, comment va? Bah ça va pas trop mal ma poule, merci bien. Merci, j'ai la pêche à vrai dire. Et toi? Double peine pour moi. Ouais, je vois ça, qu'est-ce qui se passe? Je suis sur un gros rhume, mais je suis sur une latinite aiguë. Et une latinite aiguë. Une latinite. C'est-à-dire que je ne parle pour moitié qu'en latin. En latin? Voilà, la moitié de mes phrases sont nec plus ultra, quoi. Oh, nec plus ultra. Par exemple, on est sur Radio Panicus, vous écoutez Tortilus et Arbatexus. Voilà, t'as sur 105.4. Et t'as dû réviser tes déclinaisons pour choper cette maladie ou... Non, j'ai juste non, ça vient tout seul. J'ai juste fait appel à ma mémoire russe. Attends. Voilà. Donc voilà, Radio Panique, c'est Ic et Nunc, ici et maintenant. Oh, et on commence. Je sens qu'on va se régaler. On va commencer par un genericus ex novo. Yes. Ex novo, ce qui signifie du début. Sachant qu'on a Dr Quest dans les studios, il est resté avec nous. On l'a pris en otage parce qu'on parlera avec lui d'une soirée jeudi qui se passe au Bonnefoy. C'est gratos. Il y a Son of Kick. Enfin bref, on en reparle. Après le genericus ex novo, le genericus du début qui est Vis ta vie de vinaigrette. Je vis ma vie de vinaigrette. Je vis ma vinaigrette. Marc Drouin. Kiff. Des fois je vis des hauts, des fois je vis des bas, mais la plupart du temps, je vis ma vinaigrette. Je suis venu au monde, la tête en bas, dans un ascenseur qui montait. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé le sens de ma vie, qui est le sens d'humour et qui va par là. Alors, il était bien pourrave ce générique. Hein. Il était bien pourrave, en allez, effet. Je rappelle, ça s'appelle Marc Drouin, c'est un vieux son. Années 80. Années 80, t'as reconnu hein, le beat hein, Dr Quest. 80, on est quasiment sûr. 80 Dictus. 80 Dictus. 80 Dictus, exactement. 90 Dictus. 90 voilà, et vous êtes toujours sur le 105.4, ça s'appelle Radio Panique, c'est Tortoli Arbatax. Toutes les infos, tu les as sur radiopanique.org. Exactement, et il y a Facebookus. Facebookus, hein. Ad hoc, voilà, il y a tout ce qu'il te faut. Tout ce qu'il te faut, ad hoc. Ben oui, bien vu. En plus, au pays Tintin, ça le fait de dire ça, ad hoc. On va passer à un petit son qu'on connaît bien, un petit groupe Ils viennent de Nouvelle-Zélande, ça s'appelle Fat Freddy's Drop. On le passe, on en abuse peut-être. Peut-être qu'on passe trop, mais. Non, on en abuse jamais assez. C'est. En Nouvelle-Zélande, quand ils ont découvert ce son, ils ont dit Abemus Papam. Nous avons un pape. Tu m'étonnes. Le morceau s'appelle The Nod. C'est enregistré en live à la Roundhouse de London, UK. C'était en 2010. Un pur morceau qui en vaut deux double peines. 10 minutes de pur son. On se rejoint juste après pour l'expression de la semaine. Toi-même, tu sais. Le nec plus ultra. Fat Freddy's Drop. C'est ça, oh. C'est ad hoc. The love because the music pays. So pass the bottle and break out the craze. We got it cooking in so many ways. Yes, when we're at home or when we're away in London, still rocking mics. So my hair is gray, so many moons ago. Right after the show and to the pad you go to just follow your nose. It's got the outdoor flow, so tell the girls and the bros just to take it to the sink, by the kitchen sink, on the third floor, that's where you get it. Everybody's in the house, you know it, everybody, it's the place to be. You're cooking red hot with the Fat Freddy's. Come on now, that's you, and you, up top, it's the chop in the house, come on. Hot in the kitchen, yo, wishing for the chop. Choice joint right here, it's the year that pretty chop in the house. It's in the kitchen, the party really in. It's in the kitchen, the party really in. It's in the kitchen, the party really in. It's in the kitchen, you know the party really in. It's in the kitchen, the party really in. It's in the kitchen, the party really in. It's in the kitchen, the party really in. It's in the kitchen, you know the party really in. Getting hotter. It's hot. Do you wanna come and see? It's hot. Yeah. All the people and the kids are with me. How it feel? I got jet lag, Johnson tree. Yeah. Dopey place next to you. Pitchy on the MPC. Oh. Sugar to Tony, so sweet, sweet, sweet. Then we got the top of breathing. Slave on the DMC. Damn right. And we got Joe Dookie in the house. Yeah. Then we got the Hemi Quay. Hoary. Oh, sorry, man. My bad. Oh. I think we forgot someone. Y'all know who Hope Pepper is? Who he be? You want him to play his ornal? Do you want him to play his bone? Bro. please give it up for my friend, Mr. MC Slate. Thank you, London. Give thanks, all the crew. Big them up. Yo! Tortoline et Arbatax. Un jour on l'aura dans l'oignon. De retour. Tortoline sur Radio Panicus. Vous écoutez Tortilus et Arbatux sur Radio Panicus 105.4 Russe. Tranquillement, tranquillement, on vient de s'écouter. Les papes, comme tu dis, les papes de Nouvelle-Zélande. Voilà. Fat Freddy's Drop, The Naud. Abemus Papam. Abemus Papam. C'est ça, comme l'a dit Tortoli et Salatinite. On passe tout de suite à l'expression de la semaine. C'est parti. C'est on rappelle tout de suite les expressions de la semaine dernière. Je suis un peu une extrémiste à Tortoli. C'était quoi la semaine dernière? Exactement, t'es un peu une extrémiste à la fois sur la semaine dernière et sur cette et sur celle qui vient, quoi. Exact. Il me semble que tu n'y as pas encore réfléchi. Je suis une extrémiste, exact. Reflexum extremus. Voilà, c'est la semaine dernière. Cogito ergo sum. La semaine dernière, cogito ergo sum était opposé. Oppositus. Avoir le cul d'une frite. Ah, exact. QI d'une frite. Exact, ça y est. La mémoire me revient. Être charrette. Je suis charrette. Exact. Être charrette qui a récolté 7. Voix. Pas dégueulasse. Voilà. Là, je suis sur une victoire, je pense. Non, pas tout à fait. Rah. Puisque avoir le cuit d'une frite a récolté également 7 votus. Oh, je suis deg. Et voilà, Vox Populi, Vox Dei, hein. La voix du peuple, la voix de Dieu. Voilà. L'auditeur a parlé. Bien vu. 7-7, match nul. T'as toujours un petit pointus d'aventure. Ouais, même deux, hein, il me semble. Hein. J'en avais deux. Quelques... essaye pas de me volarer. Bon, ben voilà, c'est bien. On avait un auditeur sur le Facebook qui avait lâché, qui avait fait une sorte de medley des deux expressions et qui avait dit quoi? Les frites, demain charrette. Ah, il nous avait fait un truc ad personam. Voilà, sur mesure. Quoi. Il nous avait fait l'olé à mort. Du coup, cette semaine, Tortoli, est-ce que tu veux proposer une nouvelle expression? Bien sûr, c'est pas ce que tu veux, c'est tu vas. Exactement, puisque pro-capité, il y a une expression. C'est-à-dire par personne, il y a une expression. Exactement. Mon expression, je l'ai entendu in visu, in actus, c'est mordicus. Mordicus. Mordicus, j'en suis convaincu, mordicus. Faut que t'arrêtes avec ta latinite, toi. Pour dire, oui, mais ça te travaille trop, là, depuis ce week-end. Je n'arrive pas à me soigner, voilà. C'est ad literam, quoi, c'est à la lettre, c'est une horreur. Voilà. Attends, il y a trop de trucs dans ma tête, c'est quoi ton expression? Donc l'expression de la semaine, la mienne, que je défends, voilà, pro-capité. Moi-même, c'est mordicus. Mordicus. Donne un exemple. Tu le dis quand ça? En fait. Ah oui, j'y tiens, coûte que coûte, mordicus. Mordicus, non, c'est pas un délire du genre. Voilà, j'en suis convaincu, mordicus. Moi, en fait, la personne qui m'avait dit ça, c'était un bordelais. C'était pour te dire le niveau. D'accord. Voilà, il m'avait dit, et je te le dis, mais mordicus, il a fait ça. Voilà, c'est fou quoi. Médocus. Il est extrêmement convaincu. Et il essaye de convaincre les autres en utilisant ce genre de petit procédé, mordicus, que tu peux placer à chaque fin de phrase. Très bien. Ou en plein milieu, comme tu veux, quoi. Nickel. Mordicus, face à... Bon, dans l'angle opposé, ding ding, j'oppose une expression qui traînait sur Facebook, là, qu'un auditeur a mis sur Tortoli Arbatax Facebook. Ça s'appelle « Je suis au bout du goulot ». Voilà. Ça j'aime bien, parce que à chaque fois que jette un œil sur Facebook, là, à la fin du week-end, eh ben, c'est exactement là où j'en suis, au bout du goulot. Exact. Donc on serait sur un vice comica, quoi. La voix du comique. Voilà, c'est ça, mais c'est ça, c'est l'objectif de l'expression de la semaine. Très bien. Qui est... La force comique. Comment se prénomme ce vice comica? Olivier B. On peut pas donner son nom. Non, non. Parce que non, il aurait des problèmes. Problemus. Ah. Hein. Attends. A lot of problemus. Il doit rester incognito. Incognitus. Incognitus. Ben ouais, bien sûr. Exact. Bien sûr. Alors, mordicus versus. au bout du goulot, voilà le clash de cette semaine. À vous de voter, ça se passe sur Facebook. Vous savez bien, de toute façon, comment ça se passe. Et rappelez-vous, Arbatax est toujours devant, je tiens à le rappeler. Le règlement, je le rappelle, c'est pro-capité, c'est un vote par personne, pas plus. Voilà, exact. Pas plus. Oui, on a eu des fraudes. Hein. On est, on... Prépuce. Voilà, prépuce. On a eu des fraudes, hein, effectivement, par le passé, par le pastoum. C'est arrivé. Ok, allez, on repart sur le son, parce que on n'a pas beaucoup de temps, on est là qu'une heure, hein. On a l'impression que c'est plus, mais en fait c'est qu'une heure. Puis il y a Dr Quest qui frémit comme ça de nous présenter sa soirée de jeudi. Donc on va passer sur un petit son reggae, Made in Brussels, Original Human. Ça s'appelle Ma Gueule, c'est tiré de l'album L'Aventure c'est l'Aventure, c'est en 2007, il est chez Piass. Original Human, il sera en concert samedi au Nex, c'est gratos, c'est son anniversaire. On en reparlera à l'agenda. Envoie ça, Cutus. Ma Gueule. Oh, je sais que tu n'as rien dit, c'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Vois ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Ouh là là là là là là. Ouh là là là là. Ce n'était pas ça, ma gueule. Non, vous avez pu reconnaître, c'était pas ma gueule d'Original Human, c'était ma gueule de Johnny Hallyday. T'as dû te tromper dans ta playlist. Mea culpa, j'ai fait une petite erreur. On t'en veut pas, Tortoli. Errarum humanum est. Voilà, exactement. L'erreur est humaine. Allez, ça c'est le vrai ma gueule de Original Human. Et ça c'est le nec plus ultra. Tortoli Herb Attack 105.4. Tu te bouffes la tête, comme tu te bouffes les doigts, ça me prend la tête. De te voir comme ça, faut que t'arrêtes. Y'a pas débat, lâche ta gâchette. Elle ne reviendra pas, tu passes le gueule. Ma gueule, t'as vu tes pas. Tout seul, y'a mieux à faire. Ma gueule, sans mettre plein. La gueule, c'est sûr, c'est pas une question d'envergure. J't'assure, sur toutes les pages y'a des ratures. C'est dur, comme le violon ou la peinture. C'est dur, mais c'est peut-être ça qui nous rassure. Assure, fais de la fêlure une ouverture. J'te jure, c'est rien qu'une petite égratignure. L'air pur, absorbe la gerbe comme la sciure. Les trous, ça se ferme avec des points de suture. Ma gueule, t'as vu tes pas. Tout seul, y'a mieux à faire. Ma gueule, sans mettre plein. La gueule, quand on pompe, c'est à la force de ses bras. Quand on tombe, c'est qu'on a besoin de voir d'en bas. Dans une tour, y'a pas de détails sous les gravats. La joconde sourit même quand on ne la voit pas. Dans ton ombre, y'a une lumière qui ne s'éteint pas. Les heures sont des victoires qu'on ne comprend pas. Faut pas confondre amour et mort, ça va de soi. Faut pas répondre aux questions qui ne se posent pas. C'est pas cette gueule, ma gueule, t'as vu tes pas. Tout seul, y'a mieux à faire. Ma gueule, sans mettre plein. La gueule, tu bouffes la tête. Comme tu te bouffes les doigts, ça me prend la tête. De te voir comme ça, faut que t'arrêtes. Y'a pas d'éballage à gâchette. Elle n'en reviendra pas. Ah, ah, ah, ah, are swaying from an old clothesline, like a row of cashier girls or old man grass. There's never much, but we've made it worse. Welcome home. C'était Tortoli et Arbatax sur le 105.4. C'était Radical Face avec le titre Welcome Home. On va passer tout de suite, tranquillement, à l'agenda culturel. C'est ça ou balance l'instru, Tortoli. Tu m'entends? Ça monte, ça monte, ça monte. Je suis chaud. L'instru, c'est Gangrène, Overdose. Instrumental. Ok. Voilà. D'habitude. Là, c'est mieux, non? D'habitude, au début de l'agenda Q, il y a toujours une sorte de fanfare comme ça qui nous lance, tu vois, qui nous met dans l'ambiance. Je sais pas si t'arrives à la rechoper. Tu veux dire celle-ci? Oh, Erarum ou Manu Mest? Celle-ci. L'agenda Q. L'agenda Turel. L'agenda culturel. Et voilà, c'est rectifié. Et on en revient effectivement à Rectificitus. Cet instru, ce tapis qui va nous servir pour tout l'agenda culturel, qui s'appelle Overdose, et c'est de Gangrène. Gangrène, On en reparle dans 5 secondes, juste le temps que Guillemette se mette en place. Alors Guillemette, t'as quelque chose à nous dire ? Et les gars, qu'est-ce qu'on fait ce soir juste après ? Ce soir ? Rien. Tu vas où toi, Tortoli, ce soir ? Covadis, tu vas où ? Non, Niette Covadis. Niette Covadis. Niette. Passons au mercredi. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait demain ? Mercredi 2 février. Nous sommes déjà en février. Mercredi 2 février, il y a big soirée au Tavernier, quartier, cimetière d'Ixelles, du côté de l'ULB là-bas, à Ixelles. Gangrène, en fait, c'est l'association d'un DJ alchimiste et du MC rappeur Ono. Voilà, leur projet s'appelle Gangrène. Et vous pouvez d'ailleurs, comme on vient de le dire, entendre cette petite instru, pas dégueulasse. Quid du prix ? Quid du prix, bah c'est 10 euros pro capité, par personne, exactement, 10 euros, un poil cher, mais t'inquiète pas, c'est que pour les mecs, parce que pour les ladies, c'est 5 euros. Ah, 5 euros sine qua non. T'inquiète, okay. La parité, elle est belle. Ah, et pas de vice versa, là. Voilà, et maintenant que j'y pense, on va se passer dans la deuxième partie de l'émission, juste après, un morceau de Gangrène, donc vous allez voir un peu ce que ça donne, soyez patients. Ah, on est patients. Voilà, qu'est-ce qui se passe mercredi moi encore ? Moi j'ai également, pour mercredi cus... Le Ziné Club, on vous en parle assez souvent, c'est un groupement de jeunes. C'est ça. Ouais. Voilà. Qui officie au cinéma Arenberg, c'est à la Galerie de la Reine. Donc voilà, tous les mois, ils nous proposent un film suivi d'extras, comme ils nous disent, surprise. Donc avec c'est un Z. Quoi le film du mois de février ? Et là, le film du mois de février, c'est un film de 2008 américain qui s'appelle Spécial. Spécial, voilà. Spécial. Et c'est à 19h et c'est ce mercredi. Quid de ce film, ça parle de quoi ? Alors, en gros, le film, c'est un jeune gars qui est recruté pour tester un nouveau médicament. Et le médicament s'appelle The Special. Et voilà, ce médicament, il va lui donner des super pouvoirs. Voilà. Je ne peux pas en dire plus. N'en dis pas plus. Spartacus Invictus. Et voilà, ces super pouvoirs vont peut-être lui permettre de devenir un super héros. Mais ça, on ne sait pas. Trois petits points. Tout ne se passe pas comme prévu. Suspense. Donc, c'est 5 euros. C'est mercredi, c'est au cinéma Arenberg. Et c'est, 5 euros, voilà. À 19h. 19h. Rendez-vous là-bas. Comme d'hab, ça marche. Passons jeudi. Yo. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait jeudi ? Jeudi, oui. On en arrive à l'apogée, au zénith, j'ai envie de dire, de notre agenda culturel. Et c'est là que Dr Quest, tu interviens. Parce que jeudi, il y a grosse soirée au Bonnefoy, c'est ça ? C'est ça. Ah, je m'entends pas, du coup. Oh, le voilà, docteur. M'entends pas, ouais. Là. C'est ça, jeudi, Quest for the Beat, the party called The Revenge. The Revenge. Yes, donc ça se passe où à peu près ? Ça se passe au Café Bonnefoy, vous savez bien où c'est rue des Pierres numéro 8, au Place Centre-Ville, station Bourse. Voilà, venez les Bourses. Ça commence à 10h. Ça commence à 10h. Ok. C'est quoi, il y a un petit PQ à mettre à l'entrée ou... Non, c'est gratuit. Cadeau pour toi, ma gueule. Ah, fric-tus. C'est gratuit. Alors. Donc, on va commencer par un de mes partenaires. Vas-y, on y va chronologiquement dans la soirée. Qui c'est qui fait le warm-up ? Le warm-up, c'est Daddy Tuner. Daddy Tuner. The one. Une moitié de Rockers. C'est lui qui va faire le warm-up. Bon, après ça, on monte encore un peu plus haut. En mode UK Garage, Soul Funk, Deep House, Coco, le trépied du Zambèze. Oh. Du Zambèze. Du Zambèze. La poutre de Bamako. Le fameux trépied du Zambèze. Je vais revenir sur ça. Tu sais pourquoi on a dit trépied du Zambèze ? C'est par rapport au catalogue du Worldwide Festival. Okay. Parce que je vous annonce que Franck Alfier, celui qui gère le site du Worldwide Festival, sera là pour dynamiter la soirée. Bien. C'est du lourd. Worldwide Festival qui se passe en France, c'est ça, du côté de Sète. Sète, ouais, en juillet. Exact, ok. Puis après, juste avant 8. Puis après, là, il n'y aura que de la barbarie. Que de la barbarie. Que de la basse. Que de la grosse basse. Et là, on en arrive au principal guest, au VIP de la soirée un peu. En réalité, c'est la clash entre lui et Coco. Ok. Bah, lui, c'est Microcause, alias Son of Kick. Il nous vient de Londres. De Londres, un expat parisien qui habite à Londres. Ok. Et ça va faire mal, il y aura une petite apparition de monsieur Grems. Grems aussi, qui est un peu dans le même crew, qui qui squatte pas mal à Londres, j'ai l'impression. C'est un parisien aussi. Mais là, il squatte à Bruxelles maintenant, il est à Bruxelles. Ah, sérieux? Ouais, sérieux. Ouais, sérieux. Sérieux. Bruxelles, c'est chaud ici, ça bouge. Mais c'est ici que ça se passe. Sur panique. Laisse tomber, les autres capitales ne valent rien, c'est ici la capitale de l'Europe. Donc Son of Kick et Grems, ouais, carrément. Ça, c'est des mecs du milieu rap parisien. Et maintenant qu'ils squattent aussi du côté de Londres, j'ai cru qu'ils zonnaient un petit peu avec les Foreign Beggars, les... Hein, si. C'est bon ça. Et toi, tu interviens juste après Dr Quest? Juste après, avec un petit set Deep House, bien concocté. Concoctitus. Merci pour la petite allusion. Puis pour terminer la soirée, Inch'Allah, Triptyque. Bien sûr. En mode trance, pour mettre les gens en trance pour terminer la soirée. Triptyque, pas le groupe de rap. Hein. Non, pas le groupe de rap. Un DJ de Bretagne. Ah, Kenavo, les Bretons. Bon bah ça va, donc voilà. Ouais, pour Kenavo la soirée à la fin. Donc ça, tu nous rappelles, c'est jeudi à partir de 22h et c'est au Bonnefoy, rue des Pierres. C'est exact. Numéro 8. Voilà, numéro 8. Et pour démystifier un petit peu cette soirée, juste après l'agenda culturel, dans quelques minutes, on va bien sûr se passer un petit son de Son of Kick. On va revenir là-dessus. Par contre, il nous reste encore... Il nous reste quelques dates à... La fin de semaine. Quelques datus à Annonceus. Balance. Passons au vendredi. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait vendredi pour commencer bien le week-end? Ah, vendredi, t'aurais quelque chose, Arbatux? Non, je te laisse la parole. Sine qua non. Sine qua non. Ok, très bien. Alors vendredi, c'est la Boya Box, en fait. Donc c'est rue d'Artois, 44... Tu connais 44. Boya Box. C'est au Cave. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc c'est une soirée Boya. C'est la 5e édition. Il y aura Uctur, Bishop Dust, Squeaky Lobster, Marcan. Je vous les donne pas tous parce que tellement c'est fat, tellement il y en a plein. Squeaky Lobster qui était à la soirée Vlek cet hiver à Gare Congrès. On avait reçu soirée Vlek, ouais, Julien de Vlek d'ailleurs. Exact. Donc cette soirée c'est vendredi, c'est la Boya Box, c'est 5€ et c'est au Bzz ou au Cave. AK, les caves d'Artois. Rue 44. Toi 44 rue d'Artois, voilà, plein centre de BX. Par le boulevard Le Monnier, c'est ça. Yes, donc t'as rien pour le vendredi? Non, next day. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait samedi? En et mode Saturday Night Fever. T'as voulu la coupus? Non. La coupus? Non. Tu coupus pas guillemets. Guillemets taille. Alors samedi, bah voilà, on le disait tout à l'heure, on a écouté le morceau de Original Human qui s'appelait Ma Gueule. Et ben Original Human, il fête son anniversaire au Nex. Le Nex, c'est chaussée de Boundal, à Flagey. C'est gratos, c'est cadeau. C'est à partir de 22h30. Et Flagey, il n'y a pas de métro. Tu tires en comment? À pied des bus. À pied des bus. À pied, ma gueule. Voilà, à c'est ça. Bus. C'est ça, Original Human. Je crois qu'il y a un bus, mais il s'arrête au terminus à Flagey. Un minibus. Terminus. Ou un maxibus. voilà. Donc c'est le samedi, quoi. Original Human qu'on a pu voir en featuring avec Yanis Odua qui fait du dancehall punk, comme il dit. Et c'était juste qu'on a écouté il y a c'est un ça. Ou deux morceaux. Voilà. You know. Voilà. Passons au dimanche. Voilà. Et les gars, à partir du dimanche et la semaine d'après, il y a des trucs. Ah ouais, il y a des trucs. Enfin la semaine d'après. Il y a des trucs et il y a des trocs. Justement. Exact. Ça se passe aux Beaux-Arts. C'est le week-end truc troc. Donc je sais même pas si j'ai envie d'en parler. Non mais t'inquiète. Il y a pas de trick. Y a pas de. C'est quoi voilà. Donc c'est truc troc. Je sais pas truc, quoi. Hein. Truc troc. Donc c'est vendredi, samedi et dimanche. Vendredi c'est la soirée. Ça se déroule de 19h à 2h du mat. Le samedi c'est de 10h à 18h. Le principe, il est assez simple, t'as des œuvres d'art et toi, tu te balades dans les Beaux-Arts, en fait, muni d'un petit... D'un carnet de post-it. Et tu écris sur tes post-it, en fait, ce que t'es prêt à échanger pour avoir ces œuvres d'art. Voilà, il n'y a pas d'argent, on échange des... C'est du troc, hein, voilà, c'est ça, je viens de comprendre, d'accord. Si t'es super intéressé par un tableau ou une sculpture ou voilà, n'importe quoi, voilà. Toi, par exemple, Arbatux, qu'est-ce que tu serais prêt à échanger? J'échange Tortoli. Encore faudrait-il qu'il soit d'accordus. Qu'il soit des aquardos, ma gueule. Bah c'est bien. Ouais, je m'étais pointé là-bas l'année dernière, c'est sympa. Il y a des trucs à voir. Et ce qui est le plus marrant, en fait, au-delà de l'œuvre d'art, c'est surtout les post-it à côté. Ouais, de lire voilà. Ce que les gens échangent. Je trouve ça marrant. C'est gratos. Et puis il y a plein de Perrier, quoi. Voilà. C'est ça qui est bon, quoi. Voilà, Il y a des bulles. Bon. Donc c'est vendredi, samedi et dimanche. Voilà, il est fait l'agenda. Elle est belle. Passons au son, quoi. On revient au son. Docteur Quest, du coup, on avait dit quoi? On avait dit qu'on se balançait un petit Son of Kick. Ouais, petit Son of Kick. Quel morceau on se met? Guacha. Guacha. Le cowboy et les Indiens. Si vous avez bien capté sur le flyer, j'ai mis deux chevaux, Un cowboy en Indien, c'est par rapport à ça. En mode typo western. D'accord, en référence au clip. Yes, retour au Far West. Vous pouvez faire tous les bars de Bruxelles. Vous allez essayer de chercher le Flyers. On peut trouver ce Flyers. Non, le Flyers, il est seulement visuel. Il est pas. T'as fait le radin, t'as pas voulu l'imprimer. Il a Photoshop, mais il a pas d'imprimante. Voilà. Dommage. Pas d'imprimante. Ouais, voilà. Nickel, nickel. Alors, rendez-vous. Vous pouvez aller voir sur internet le clip. Hein, ça s'appelle Gua Sha de Son of Kick. Vous allez voir, il y a Grems, il y a This is La Peste. On va l'entendre. Il a ici son petit couplet. Microcause. Et puis, il y a une apparition aussi, on le voit, mais de Orifice Vulgatron des Foreign Beggars, celui qui a la blouse, qui fait le médecin. Très bien, on s'envoie Son of Kick, et juste après, en référence à la soirée du Tavernier de demain, mercredi, on s'envoie Gangrène, le morceau s'appelle All Bad. C'est double peine pour vous, chers auditeurs. Tout de suite, Son of Kick, Gua Sha, merci Dr Quest d'être venu présenter ta petite soirée, ta grosse soirée, pardon. Ah, tu peux rester encore un peu, je vois que t'es bien installé, c'est comme tu veux, il y a des spéculos, il y a tout ce qu'il faut. C'est la maison ici, attends. C'est la maison, sine qua non. Voilà. Condition nécessaire, les spéculos. Son of Kick. Le son ad hoc, ce qu'il te faut, you know. Yeah. it's all bad, dog. Basically, we back to the basics. What most lack is basis. Zodiac faceless, faceless. One too many times in these places. Patience is out now, y'all about to get replaced. And word of mouth, is y'all niggas wanted? I think not, y'all thought wrong. If y'all thought old wouldn't be hot, come on man, I'm blazing your block. I got the heaters. Shit, I'm about that re-up and fire trees up. Calculate them G's, I'm trying to free up. And I got fam that's all G'd up. Beating y'all for a couple of G's up. Look, for a few of them G's down, I'll blow your ears with a loud sound. Opposite of a silencer that gone wild. My brain is heavy, my reign is steady. My ring needs to be kissed, dog. Y'all that bitch, where's my manners? Y'all that miss, serious as talk. To the bad guy, you step over the line, it's like you stepped on a landmine. The cannon on my side, but I don't flash till it's hammer time. Surprise, pop up unexpected and handle mine in the foulest way. Doggy, I'm putting it down straight. Brown water with no chaser, I'm throwing it down straight. Represent the Cali State and I'm holding them down great. Got the no top selector controlling the sound plate. Yeah, spin that back while I sit back and spit that off the wall rap with a format. Sit him in the corner, give him a guns cap. I'm good with the numbers, you can check out the punch stack. Spring Rocky, cause I told my jeweler to chunk that. No scratch that. I threw him a stack and told him to match that. Fuck the limit, I push it past that. Hopping out the trash can like Oscar the Grouch, cause I'm a bad man. Flip like Heckle and Jekyll. I break a boulder down to a rock, down to a pebble. Scientists, I break a compound down to a metal. Under the ground, so deep, nobody ever get down on my level. Tune to the sound of a rebel. Wild style, don't give a fuck if the letters are legible. Long as it's visible, never take a break in my schedule. I'm locked in, holding who that man is just walked in. Got the note straight to your head like a cat scan. Ask the chemist, you'll say I'm a bad man. I come from a bad land where it's the last man standing in the middle of Baghdad. I program crack in the cranium, bad batch, the bomb strap. All terrorists cause I bomb tracks on contact. Killing them without contracts, it's raw raps, all facts. Y'all better get back, it's all bad. Gangrène, gangrène, gangrène, all bad. Oh oh oh, all bad, ma gueule. Ça Tortoli c'est... et Herbatax, Radio Panique. C'est ça. On vient de s'écouter all bad de Gangrène, donc ils seront au cimetière d'Ixelles, au Tavernier. C'est Bruxelles Extramuros. Toi-même, tu sais. Cette chanson, c'est un vrai casus belli, quoi. T'as vu, c'est, hein. C'est une déclaration de guerre. C'est ça, c'est du lourd, c'est du lourd. Tortoli, les deux prochains morceaux, c'est quoi? Je crois qu'il y en a un qui va être Before I Move. De Mount Kimby. Ouais, c'est ce qu'on entend là, tout doucement, tranquille. Ok. Qui est issu de leur EP, ou plutôt leur album qui est sorti à l'été 2010, qui s'appelle Crook and Lovers. Mount Kimby, un duo London et Brighton, les deux. Bien, bien, bien. Duo, Latinus. La source de la musique en Angleterre, London-Brighton. Voilà, le sort en est jeté. Juste derrière, il y aura Magama Sabat avec le titre Cola, Cola, Cola, Cola. Et ouais, 4 fois Cola. Coca-Cola. C'est bien, c'est ça. Que tu mets dans ton whisky. De facto. De facto. De facto. De facto, exactement. Le sort en est jeté, comme tu dis. Allez, Ajacta S. Moon Kimby s'appelle Before I Move Up. Les deux derniers morceaux avant le classique. Brrr, profite. Allez, Ajacta S. Kiff. Thank you. Un jour on l'aura dans l'oignon. Vous êtes sur le... Tortoli et Arbatax. C'est le 105.4, ma gueule. Wouh. Voilà, voilà. Ah, vous avez un petit indice sur le classique de la semaine. Un petit indice sur le classique Ultima Ratio de la semaine. Ultima Ratio, c'est ça. C'est ça, le classique toujours. Ça s'appelle Fat and Small. On y revient tout de suite. En tout cas, vous retrouvez l'émission en podcast sur panique.org et radiopanique.org en entier sur le Facebook Tortoli et Arbatax. Pas de souci. Voilà, un simple clic suffit et nunc est bibendum. Que la fête commence. Yo, c'est ça. Bien c'est préparé. Ça. C'est ça. Bon, Tortoli, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Bah, déjà, soigne-toi bien. Hein, ouais, parce que là, t'as pas l'air. Ça va, je suis pas. La latinite, c'est violent. Hein. Je suis pas in articulo mortis, hein, je suis pas à l'article de la mort. À l'article de la mort Non. Ça va aller. Non, on se retrouve la semaine prochaine, hein, tu me rassures. Ouais, bien sûr. Ok, mardi à 17h. Bon, en tout cas, désolé, c'est fini, l'heure est passée. C'est dur, mais c'est comme ça. La loi est dure. La loi est dure, Duralex, c'est l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Voilà. Duralex. Duralex. Ça me rappelle autre chose, ça. Bien dur. La loi est bien dure. Voilà. Comme tu dis. In toto. In toto. Totalement. C'est totalement fini. Voilà. Merci beaucoup. On se quitte avec Fat and Small, un titre de 1999. Ça s'appelle Turn Around. Tu l'avais pas oublié. Hein. En tout cas, si tu l'avais oublié, le v'là dans tes oreilles. Le v'là qui revient sonner. Allez, Jacques Fess. Listen.